Par le Babylon System. Il faut toujours garder la foi et la tête haute. You know? Listen! Boy. On n'a plus le temps de subir ces choses au quotidien. Car tu ressens que on n'a plus le temps. Verrai-je le lion et tu verras vraiment que on n'a plus. De subir ces choses au quotidien, car tu sens qu'on n'a plus le temps. Plus riche la lion, on nous méprise, et cela depuis longtemps. Quand est-ce que mes frères vont voir qu'on a la faille, qu'on n'a pas l'unité, qu'on ne cesse de s'entretuer, qu'on lâche, on n'a plus de pitié. Tu sais, l'homme fait trop de bêtises. J'espère que tu réalises que plus le temps passe, man, il faut que tu saches qu'on nous fait, qu'on fait que Dieu sur place, man. Tu sais qu'on a la force de sauter toutes tes barrières. Tous ces embûches qu'on a subies, nous serons du dur, man, comme du fer. Bon, ton temps pour honorer toutes tes barrières. Recettes qui nous ont donné la lumière pour aujourd'hui s'en être fier. Et tu l'as dans tous tes faits et gestes, car en ce geste d'amour qui reste, dans l'homme faut qu'il se manifeste. Donne-moi la preuve, Babylone, on n'a plus le temps de se faire ces choses au quotidien. Car tu ressens qu'on n'a plus le temps. Plus riche le lion, et tu verras vraiment que on n'a plus. De subir ces choses au quotidien, car tu sens qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Sont toujours la voix des ghetto youth. Le gun sur le microphone, nos corps on charge en soutien. Ta ta ta ta ta ta ta, il n'y a plus de doute. Babylone est bien là pour essayer de nous parer la route. C'est bien pour ça que je représente toujours les ghetto youth. À travers la musique que je vais et que les amener sur la route. La route du love, la route de Jah Almighty One. Oh oh oh oh oh oh oh. J'te dis qu'on n'a plus. De subir les choses au quotidien, car tu ressens. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Yeah.